Recording. Recording. Et record. Bonjour. Bonne nuit. Bonsoir. Contrebasse. Vous jouez la contrebasse? Joli. Yes. Ah. Pas français. English. Ah. Il est là. Il est revenu. Ou bien je te présente un contrebassiste. Et pas une vraie contrebasse. Double bass. Play contrebasse. Ouais, c'est normal, j'ai foutu un peu le bordel aussi. Bon, moi, après, je vais dormir, hein, parce que il est 23h30, et demain, j'ai rendez-vous avec ERDF. Faut pas être en retard avec ERDF, parce que sinon, ils se cassent. Vu qu'ils sont super bien payés, ces gens, en plus. Je travaille pas à ERDF. C'est toi qui voulais faire du reggae? Il est où celui qui voulait faire du reggae? C'est toi? Ça, c'est joli la contrebasse. Moi j'ai une fretless. Mais je suis nul. Ah non. Tu vas l'énerver. Tu vas l'énerver si tu joues de la basse avec ton synthé. Bien. Oh, attends. Allez, un petit morceau. Pourquoi ça se synchronise? Attends, je vais. Oh, putain. Saleté de machine. Saleté de machine.